tous les murs entre l'amour et puis l'amour. Comme un retour vers le futur, comme un premier bonheur du jour. Ressusciter l'espoir le plus fou, c'est comme un cri qui chante en nous. Mépriser l'arrogance, faire parler les silences en mots plus doux, plus tendres. Aimer ce qui dérange. Il a fait tomber tous les murs. Ressusciter l'espoir le plus fou, c'est comme un cri qui chante en nous. Mépriser l'arrogance, faire parler les silences en mots plus doux. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins souvent te réclamer. chanson qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisait la mer. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Yeah. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. You'll see the dark. That little space inside my heart. The darkest side withholds the light. The light that brightens me inside. You don't know. what we conceive. Déposer les armes, Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Every night, every day, I tell my heart to forget you and to move away. Not to break anymore. But oh, no matter what I say, you're so deep in my mind. There's no way to leave this love behind. It used to be, I believed I could go on. See you. When I need you, I secretly sing you this part of myself. Yeah, yeah, my angel, know that I can hear you, and every word you speak is a holy wind caressing. Still nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Esta música que...